Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Devin Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo, d'un point de vue professionnel ou presque. Au programme de cet épisode, chacun des membres de l'équipe ainsi que notre invité vont faire le point sur l'année qui s'est écoulée. Comment nos parcours ont-ils évolué? Qu'en est-il des annonces de projets que nous avions faites? On fait les bilans avec vous juste après les présentations. Je suis Vincent et avec moi il y a Marie. Comment vas-tu Marie? Bonsoir, ça va très bien. Nice, comment tu vas Guillaume? Moi ça va très bien. Ouais, vous allez tous me dire que vous allez très bien comme d'habitude, mais... Oui, comme d'hab. Ouais, on peut te dire que rien ne va, mais ça serait faux. Ça serait faux? Ah, ça super bête. Ah, bah, c'est très bien, parce que de toute façon, vous aurez l'occasion de vous épancher un petit peu plus sur votre vie dans quelques instants. Ben est de retour, comment tu vas Ben? Ça va, un petit peu malade, mais ça va. Ah, on changeait un peu des autres. Voilà, bah, très bien, on te remercie. Et nous recevons une nouvelle fois Thomas Gonzalez, qui était venu dans deux émissions de la saison précédente. Il s'agit de l'émission sur l'accessibilité et... Putain, j'y crois pas, j'ai oublié. Tu peux me la rappeler, Thomas? Salut, bah déjà, ça va très bien, même si tu me demandes pas. En tout cas, je suis content de savoir que tu vas bien. J'étais intervenu sur l'émission d'abord sur les jeux, l'accessibilité des jeux et le handicap. Et ensuite sur l'émission avec le rapport entre les jeux et la politique, je crois, avec Thomas Versavo. Avec Game Spectrum, ouais. Game Spectrum. Exactement. Bah c'est avec plaisir que nous te recevons à nouveau. Il faut dire que tu as plein de choses à nous raconter sur le sujet du bilan. En un an, il a eu le temps de s'en passer de ton côté aussi des choses. Mais ce que je vous propose, c'est que l'on commence, voilà, honneur aux femmes, par Marie. J'ai toute une petite série de questions pour toi, Marie, et ma première, qui fait suite finalement à la première émission de la saison 2 de Devin Retry, qui a été consacrée à ton projet Montpellier Discovery. Ma première question pour toi donc est, que s'est-il passé après la sortie de Montpellier Discovery? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais bien des choses et bien des choses. Alors ça m'a apporté beaucoup d'expérience au niveau professionnel, mais je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en parle dans toute une émission consacré à Montpellier Discovery. Après ça, j'ai continué mes études parce que j'étais en licence professionnelle métier du jeu vidéo et j'ai continué dans la voie classique, c'est-à-dire un master 1 art plastique, option parcours jeu vidéo. Parce que à l'université de Montpellier, effectivement, le master jeu vidéo doit se greffer tout de même à un autre cursus. Je ne sais pas si on peut vraiment le formuler comme ça, mais il n'y a pas encore de master spécifique entièrement consacré aux jeux vidéo. Alors effectivement, il n'y a pas de master spécifique consacré. Seulement, le master qu'on fait, on fait trois quarts des projets qu'on fait, c'est du jeu. Mmh. Donc au final, on est amené à produire énormément de prototypes au cours de l'année, et pour moi c'était comme une école de jeu. D'accord. Ça a vraiment pas eu de différence. D'accord. Et du coup, est-ce que tu... Oui. Dis-moi. Par rapport à Montpellier Discovery, peut-être tu veux savoir ce oui, que c'est. Bah, du coup, oui, ma question c'était qu'est-ce que ça t'a apporté. Alors, bah, ça m'a apporté l'expérience de toucher un peu à plein de domaines du jeu, puisque j'avais pu essayer l'animation, la programmation, être chef de projet et plein d'autres métiers du type. Mmh. Donc ça c'était cool parce que je suis arrivée en master et j'avais plein de cordes à mon arc. J'ai pu faire des jeux tout seul en maîtrisant ce que j'avais appris. Ensuite, Montpellier Discovery, ce que c'est devenu, c'est que chacun des membres de Corescope, qui est donc l'équipe qui a fait le jeu, a trouvé sa voie au sein de Montpellier Discovery, c'est-à-dire que j'ai un collègue, par exemple, qui est parti en RH parce que dans Corescope, il a trouvé ça génial de faire de l'administratif et il s'est dit bah, j'abandonne le jeu, je vais devenir RH. J'ai un autre collègue qui est parti en études culturelles parce qu'il s'est rendu compte qu'il voulait en apprendre plus sur le monde autour de lui avant de se lancer dans le jeu, etc. Qu'est-ce que des études culturelles? Alors, écoute. Je ne sais pas trop, ça s'appelle comme ça, et je sais D'accord. que ça lui plaît bien, donc ça c'est la bonne chose. Ensuite on a le programmeur, pareil, qui est parti dans une SS2I, et moi bah, j'ai décidé de me focaliser sur le métier de producteur avec un attrait pour le game design. Mmh. Et l'animation. Bon, c'est quand même trois choses. Oui, c'est pas mal, hein. Ouais, mais c'est trois choses que je bosse un peu tous les jours. Et alors je ne sais plus si je le sais parce que là on se connaît aussi. Tu en avais parlé, il me semble que tu en avais parlé un petit peu dans l'émission consacrée à Montpellier Discovery. Mais tu as travaillé aussi sur un autre projet un petit peu semblable à Montpellier Discovery à la sortie de ce projet-là, qui est en lien avec un opéra. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, si j'en parle pas tant, c'est qu'on a un petit peu de retard au niveau du développement, parce que comme je le disais avant, tout le monde est parti à refaire sa vie, on fait ça les week-ends. Donc on est censé sortir une petite appli dédiée à l'opéra, en réalité augmentée encore une fois, et elle est en cours de développement, elle est sur la fin, toute fin, et il nous reste plus que quelques bugs à corriger, et elle sortira. C'est sûr qu'elle sortira avant septembre en tout cas, ça c'est sûr. Donc vous pourrez retrouver ça à l'opéra après les vacances d'été. C'est la même équipe, parce que du coup tu dis que tout le monde est un petit peu parti, mais vous travaillez là-dessus pendant les week-ends, du coup quand même l'équipe reste ensemble, l'équipe de Corscope reste ensemble pour produire Opéra Discovery. C'est ça, c'est Opéra Discovery. Oui, alors on n'est plus que trois, parce que les autres sont vraiment super occupés, même si ils sont toujours là pour nous filer un coup de main et ils sont ravis de le faire. Mm-hmm. Mais en soi, il y a Arthur, Capucine et moi qui avons fait le prototype de A à Z. Ouais. Et les autres, bah, voilà, ils ont vraiment autre chose à faire. Je sais que mon graphiste a commencé à développer ses talents sur l'Instagram. C'est un franc succès. Voilà, tout le monde est occupé, mais on arrive à se débrouiller. Franchement, il est presque fini. C'est plus qu'une question de semaine. C'est un développement qui a pris combien de temps, Opéra Discovery ? Opéra Discovery, alors en fait, on a enchaîné tout de suite après, parce qu'il y a une première version d'Opéra Discovery qui était disponible et qui est peut-être toujours, je sais pas, Opéra, de l'Opéra, où on pouvait voilà, télécharger... Non, d'ailleurs, c'était... Non. Ça fait tellement longtemps, je me souviens plus. Non, c'était une add-on, une mise à jour de Montpellier Discovery. Ouais. On cliquait dessus, on cliquait sur Opéra Discovery, et là, on pouvait aller scanner des petits panneaux dans l'Opéra. Ça, ils l'ont enlevé récemment, mais ils vont reprendre avec une application complètement dédiée. Le développement, du coup, on a fini Montpellier Discovery. En un mois, on avait fait, on va dire, la moitié de l'appli. Et le deuxième mois, on l'avait terminée. Donc, ça veut dire qu'elle est terminée depuis très longtemps. Mmh. Et il y a eu énormément de problèmes administratifs, techniques, des petits bugs qui sont revenus et très peu de temps des gens. Mais sinon, ça fait longtemps qu'elle est terminée. Depuis novembre. Ah oui! Ah oui, d'accord. Mais ça veut dire que vous aviez commencé à travailler dessus avant la fin de Montpellier Discovery ou vraiment ça a été extrêmement rapide? Montpellier Discovery est sorti en septembre et ouais. Directement on a enchaîné avec Opéra Discovery. D'accord, ah oui. Ça a été une bonne réutilisation des compétences et de la technologie de Montpellier Discovery. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as travaillé sur d'autres projets cette année? D'autres projets vidéoludiques. Bah, j'ai eu... Je crois qu'au total, j'ai dû faire 4 jeux, un court-métrage, etc. pour la fac, et à côté, ben, j'ai trouvé un travail. Alors, qu'il est... Enfin, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un gros projet. Ah oui. Tu sais très bien que je peux pas en parler. Alors là, bon, j'ai tenté. Non, mais on va dire que je suis Internet Assessor, c'est-à-dire agent qualité Internet pour des entreprises américaines. D'accord. D'accord. Et alors, j'ai vu je crois que c'est sur Facebook, que tu étais devenue auto-entrepreneuse. Qu'est-ce que c'est? Enfin, je sais ce que c'est auto-entrepreneuse, mais qu'est-ce que tu fais en tant qu'auto-entrepreneur? C'est ça ma question. Bah, en fait, j'ai créé mon entreprise en mars de cette année, au moment où je me suis fait... La mission a été acceptée par l'employeur, j'ai dû passer toute une batterie de tests. Et ensuite, après cette batterie de tests, dont je ne peux pas parler non plus, mais en fait, ils embauchent des personnes et ensuite ils donnent des missions. Comme n'importe quelle boîte qui propose des missions à des auto-entrepreneurs, simplement. Et la différence entre être auto-entrepreneur et être employé, c'est qu'on paye nous-mêmes nos impôts. On est plutôt indépendant, c'est-à-dire que pour ma part, je suis pas loin des 35 heures, mais je gère mon temps comme je veux. C'est-à-dire que je peux travailler la nuit, je peux travailler le matin, je peux travailler quand j'ai envie. Et j'ai pas de... Comment dire? C'est un peu compliqué parce que en fait, je fais le nombre d'heures que j'ai envie de faire. Mmh. Voilà. Donc c'est l'avantage. L'inconvénient, voilà, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes aides sociales comme le chômage ou des vacances, ou alors nos vacances sont pas rémunérées. Ouais. Mais on s'autogère. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, je ne vais pas te demander de t'exprimer plus sur ce mystérieux travail dont tu ne peux nous parler. En revanche, j'aimerais revenir brièvement, le temps qu'il faudra, sur ton année de master. Tu nous as dit que tu avais réalisé pas mal de projets. Tu as terminé ton master, tu ne vas pas rentrer en master 2 finalement. Alors si, si tu vas le faire quand même. Je suis en cours de rédaction de mon premier mémoire de Master 1, ouais. Qui est accompagné d'un prototype. J'ai choisi un prototype en 3D parce que j'aime bien m'emmerder dans la vie. Et ensuite, là, j'ai candidaté pour le Master 2 qui était mon but à la base, mais je vais continuer mon travail à côté, en parallèle. D'accord, d'accord. Ah oui, bon, c'est autant pour moi. J'avais cru comprendre que tu n'allais pas en Master 2. Non, alors, ce que je t'avais dit, quand on s'était vu là, c'est « Oh mon Dieu, j'ai loupé mon année parce que je travaillais en même temps !» Et en fait, pas du tout. Non, mais je pensais que tu l'avais réussi, mais que tu prenais quand même la décision d'arrêter tes études. Mais d'accord. Et du coup, ouais, le master, c'est toujours... le parcours jeux vidéo de l'université Paul Valéry, c'est toujours quelque chose qui te plaît, qui vous fait prototyper beaucoup de projets durant l'année et qui vous laisse un temps libre assez conséquent pour développer des projets personnels. C'est l'idée. Après, je me suis vite rendu compte... parce que d'habitude, j'ai mes projets... perso et les projets de la fac et j'arrive assez bien à gérer. Au final, ils nous laissent du temps libre, mais c'est pour faire des projets en question qu'ils nous proposent. Et là, le deuxième semestre que j'ai eu, on a eu une multitude de projets d'envergure, dont un mémoire avec un prototype assez conséquent. Et avoir un travail à côté, bon, c'était un petit peu compliqué. Mais oui, ça me plaît parce que voilà, on fait que bosser, on fait que utiliser des nouvelles technologies, c'est toujours autodidacte, mais on est vachement guidé par les professeurs. Enfin, moi, je trouve que c'est une machine à faire des indés, quoi. C'est-à-dire des gens qui vont être super débrouillards et qui vont réussir à se débrouiller seuls, quoi. Donc, okay. Ça fonctionne bien, j'ai rien à reprocher à l'université, loin de là. Bah, tu as bien de la chance. Pas le cas de tout le monde, hein. Ouais, non. Tu veux en parler, Vincent? Oui, un petit peu. Bon. patience, voilà. Alors, avant de passer à toi, justement, Guillain, petite question. Là, je ne sais pas si tu pourras me répondre de façon précise, Marie, mais tes projets d'avenir actuellement, quels sont-ils? À court ou moyen ou long terme, en fait? Alors, pour le Master 2, c'est déjà de l'avoir, ouais. D'obtenir, ça c'est déjà pas mal. Et de trouver un stage dans l'animation 2D, parce que j'ai envie de faire un passage dans l'animation 2D pour me spécialiser là-dedans. Parce que le game design, j'en fais tout le temps en cours, mais l'animation, j'ai pas tant de temps d'en faire. Et ensuite, de partir à Lyon, parce que j'ai envie de changer un peu d'air, et de rentrer tout d'abord dans une grande boîte pour m'habituer à travailler avec des gens et dans une industrie comme ça, pour ensuite créer ma propre boîte plus tard. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Merci Marie. Et puis, on va passer au tour de Guillain. Est-ce que tu es prêt, Guillain, pour mes questions? Non. je te rassure, Marie, tu es probablement celle qui avait les choses les plus positives à dire. Ah oui, la vie est belle. Voilà, ouais. Ouais. Bon, Guillain, alors ma question pour toi, ma première question pour toi, c'est que s'est-il passé pour Arashi cette année? Donc Arashi, je le rappelle pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est ton projet. Si tu veux le présenter, Vas-y, on a débuté un peu l'émission avec, donc c'était mon projet de fin d'études à Artefix, que j'avais eu la bonne idée de me dire, tiens, on va prendre ce projet-là et on va essayer de construire un projet d'entreprise autour de ce projet. Donc à partir de là, c'est là que commencent les ennuis. Donc il y a eu tout un acheminement pour essayer de faire connaître le projet, essayer de trouver des financements pour continuer, essayer de structurer une équipe autour de ça. Et il s'est retrouvé que j'ai eu pas mal de galères à cause de ça, et je crois qu'en début début de cette saison d'Even Retry, j'avais dû annoncer que je mettais le projet en stand-by pour mettre de l'argent de côté pour amorcer des fonds. On s'en souvient. Jusque là. C'est bon, c'est bien ça qui s'est passé. Exactement. Et donc, cette année, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le projet a effectivement été mis en stand-by. Donc, j'ai quasiment rien touché depuis. Donc, t'as l'idée qui a maturé, on va dire. J'ai j'ai plus ou moins ciblé en fait le segment de marché que je voulais toucher, ce qui n'était pas le cas avant l'année dernière où je me suis dit juste je vais faire un jeu, il y a plus ou moins ce genre de personnes qui y jouent et je vais me retrouver donc à vendre à ce type de personnes qui achètent des jeux similaires, alors que là je me suis en fait donné la dimension e-sport du jeu et qui me permet de cibler plus précisément. Donc on va dire que l'idée du projet a maturé. Mais sinon sur l'avancement concret du projet, j'ai pas eu plus d'avancement que ça. Donc il y a juste l'argent que j'avais dit que j'allais mettre de côté pour développement en cours. Mais j'avoue que j'ai pas encore la somme que j'attendais pour avancer un peu plus que ça. C'est intéressant que Thomas aussi soit présent pour participer à cette émission, puisque Thomas travaillait aussi, a travaillé pendant plusieurs années sur son jeu Astre, jeu du coup totalement indépendant dont il était le chef du projet, et tu t'es un petit peu retrouvé dans ces mêmes problématiques, Thomas, non? Oui, enfin, je suis pas allé jusqu'à essayer de chercher des fonds, mais effectivement, enfin, moi j'ai surtout alterné entre les moments où c'était un projet sur le côté, les moments où c'était un projet constant. Et par exemple, pendant que j'étais en train d'enregistrer les Van Retry, je crois que j'étais déjà un petit peu en train de le laisser de côté, mais j'étais en ma période indé Montpellier 1, où justement j'étais constamment sur le projet. Mais pendant les 3 années ou plus de développement, la plupart du temps, c'était sur mon temps libre, en plus de mon travail ou de ma recherche d'emploi. Enfin, après, on a quand même été ensemble sur pas mal de salons et pas mal de trucs comme ça, donc on a plus ou moins eu le même parcours à certains moments, quoi. Effectivement, on s'était vu, à l'Indiecade. L'Indiecade, je crois qu'on s'était vu sur d'autres salons, à je sais plus quel endroit aussi. Mais bref, tu te rends vite compte que quand tu veux faire ce genre de projet, en fait, t'as plus ou moins tout le monde qui prend les mêmes parcours. Et c'est cool parce que tu rencontres des gens super sympas, en fait. Ouais. Mais alors, bon, du coup, sans surprise, ce que l'on comprend à vous écouter, c'est que travailler sur son propre jeu, c'est pas quelque chose d'évident. surtout sans argent, sans équipe, quoi. C'est ça, surtout à la sortie d'études, sans argent, sans équipe. Est-ce que, depuis, on va revenir plus spécifiquement à toi, Thomas, tout à l'heure, mais je l'annonce, Thomas continue de travailler sur ses projets personnels, mais est également du coup salarié dans une boîte. Bien, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de continuer le développement de Arashi sur ton temps libre et de postuler dans un studio pour d'une part pour récolter des fonds pour ton projet Arashi et aussi peut-être pour gagner en compétences, en expérience et y revenir sur Arashi peut-être de façon plus motivée et apte à mener le projet à bien, ou est-ce que vraiment Arashi c'est vraiment le projet que tu rêves de voir naître et jusqu'à ce qu'il sorte tu n'envisages pas de faire autre chose? Alors, par rapport à ce que t'as dit, t'as parlé notamment de est-ce que je cherchais concrètement un emploi. Donc ça c'est quelque chose qui se passe en ce moment, donc toi tu es d'autant plus au courant vu que c'est toi qui m'as donné un tuyau récemment. Où je vais chercher du travail en tant qu'artiste en ciblant des studios à taille, enfin de très petite taille, qui me permettent justement d'avoir cette expérience, on va dire, entrepreneuriat et de gestion de boîte. Que contrairement à Marie ou certaines autres personnes, j'ai pas du tout l'ambition de travailler dans une grosse boîte, parce que c'est pas du tout les mêmes systèmes de pensée. Je vais plus avoir l'idée d'une petite boîte avec un esprit un peu start-up, ou débrouillardise, comme ça tu touches un peu à tout, tu vois comment ça se passe, alors que dans une grosse boîte, t'es pas là avec le patron à voir les décisions qu'il prend. Et donc ce serait plus dans cette optique-là. Après oui, pour continuer le projet, clairement, ce que je me dis, c'est ça pourrait être intéressant de là prendre... j'ai pris l'expérience de me casser les dents à vouloir le faire direct en sortie d'école. Ouais. Aujourd'hui, je le conseillerais à personne, sauf sous certaines conditions, avoir déjà de l'argent, avoir une équipe constituée, on va dire, et une idée solide. À partir du moment où vous avez ces trois éléments-là, je pense que vous pouvez le tenter. Mais sans ces éléments-là, je le conseillerais vraiment à personne. Quand... Donc, pardon, ouais, non, pardon continue, je reprendrai la parole après. Ouais, bah, du coup, je... Attends. Parce que ça m'a coupé. Et alors, je parlais des éléments. Ouais. Ouais, et que par rapport à ça, moi, actuellement, ce que j'ai plutôt en tête, c'est de mettre complètement une réelle pause dans le projet, prendre de l'expérience professionnelle, et revenir en fait avec cette expérience d'acquis de fonctionnement d'une entreprise et avec un capital en poche que je pourrais là réinvestir pour constituer une équipe. Surtout que là j'aurai sûrement déjà les relations, certaines personnes qui pourraient me suivre sur le projet, ça peut être intéressant de voir cette vision un peu à long terme quoi. Ouais. Et pour confirmer le parallèle que je suis tenté de faire, Thomas, Astre, est-ce que c'était aussi ton projet de sortie d'école? Alors, c'était pas mon projet de fin d'études. Oui. C'est un projet que j'avais commencé en parallèle de ma fin d'études. Mmh. D'accord. Qui devait rester un projet à côté. Avec quelques personnes de ma promo et qui finalement est devenu un proto que j'ai fait évoluer seul. D'accord, bon, mais alors tout de même, tu as commencé à développer Astre avec des copains de promo. C'était aussi ton cas, Guillain. C'est vrai que quand on sort de formation, j'imagine on est motivé à travailler sur, bah, d'une part, à travailler sur un vrai projet et puis à sortir un jeu quoi, mais quand on sort d'école, tout le monde est plein de bonnes motivations et finalement, comment ça s'est passé, les gens ont eu besoin, parce que je crois que autant sur Arashi que sur Astre, vous êtes aujourd'hui tout seul à continuer ces projets là. Si tu continues de développer, Thomas, Astre, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont eu besoin de trouver un travail, j'imagine, et puis après ils n'ont plus le temps pour ils n'ont plus le temps de ils ont putain je vais y arriver ils n'ont plus de temps à consacrer aux projets sur lesquels vous vous étiez lancé ensemble, c'est ça? En gros, oui, c'est un mélange d'un peu tout ça. Parfois, il y a des personnes. Ce qui arrive le plus souvent, ce qui m'arrive le plus, c'est des personnes très motivées qui, enfin, au départ, sont très motivées et qui, au final. Ne font rien ou très peu de choses, et puis au final ils finissent par partir du projet. Et parfois c'est aussi le fait de chercher du travail ou de retrouver du travail justement, et du coup de plus avoir de temps à mettre dessus. Ouais, après c'est aussi ça, c'est un problème avec de nombreuses personnes, c'est que en fait, les objectifs des gens ne correspondent pas forcément à ce qu'ils vont te dire. Certains vont te dire « Ouais, ça a l'air trop cool ton truc, j'ai envie de travailler avec toi », mais en fait, ce qu'ils vont rechercher, c'est pas vraiment de travailler avec toi sur le projet et le faire vivre pour le projet en tant que tel et l'expérience entrepreneuriale du truc. C'est en fait qu'ils veulent trouver quelque chose à faire en attendant d'avoir un travail rémunéré. Ouais. Et ça, c'est vraiment des questions. Là, si je devais travailler aujourd'hui avec des gens sur ce projet-là, c'est des questions que je ferais vraiment très attention de leur poser et à bien comprendre quels sont les enjeux pour eux, leurs objectifs, pour vérifier qu'on soit sur la même longueur d'onde, tout simplement. D'accord, d'accord. Il me reste peut-être une question pour toi, Guillain. Attends, juste, je viens de penser, tu m'avais dit aussi un truc tout à l'heure, quand t'as fait un peu ton introduction sur les questions que t'allais faire. Ouais. T'as dit que Arashi, ça allait être un peu le projet que je voulais absolument sortir. Mais, oui, c'était une question, mais oui. Ouais, non, mais c'est juste que ça m'a fait tilter. Mais... c'est pas le projet absolu, tu vois, c'est pas comme si j'étais sorti d'études en me disant tiens, j'ai un rêve de sortir ce projet. Mm-hmm. Non, c'est même pas forcément le genre de jeu que je voudrais absolument sortir, mais pour moi c'était un projet qui avait un potentiel. Ouais. Qui pouvait marcher commercialement, et je me suis dit tiens, ça pourrait être un très très bon tremplin pour lancer un studio là-dessus. D'accord. Après j'ai un autre projet en tête que là je voudrais vraiment sortir en jeu absolu, mais avec beaucoup plus de bouteilles quoi. D'accord, bon, bah, tu fais bien de le préciser. Voilà, dernière chose à propos de Arashi, il y a un youtubeur, Mathieu, qui a fait une vidéo sur Arashi. Je me demandais comment est-ce que ça s'était fait, est-ce que c'est toi qui l'as contacté, et quel bénéfice également as-tu pu retirer, le projet a-t-il pu retirer d'avoir eu un influenceur qui a communiqué sur ton projet? Alors, comment ça s'est fait? Déjà, tout simplement, donc c'est un youtubeur que je suis, enfin un vidéaste qui fait du contenu sur Unreal que je suis. J'avais vu simplement qu'il avait créé une annonce en disant salut les gens, cherche des projets de la communauté à tester, envoyez-moi des trucs. Donc simplement j'ai répondu à l'annonce, je lui ai dit bah, si t'as envie de tester ça, donc c'était un projet étudiant, je lui ai expliqué tel et tel truc. Et ça, il a bien accroché au projet, et à mon avis, il n'y a pas tellement de gens qui ont dû lui envoyer des projets. Ouais. Donc ça fait qu'il a fait rapidement une vidéo dessus. Il a vu certaines mécaniques qui avaient été créées. Bon, c'est un youtubeur spécialisé sur Unreal. Donc il a vu certaines mécaniques qui avaient été faites dans Arashi, notamment le ralentissement du temps. Et les gens de la communauté lui ont demandé « Waouh, mais comment ils ont fait ça pour gérer le temps ?» Du coup, ça fait qu'il a refait des vidéos derrière pour expliquer ça. Donc il a fait, je crois, deux vidéos en parlant d'Arashi. Après, pour les retombées exactes, honnêtement, j'ai pas forcément les chiffres parce que sur la distribution, c'est mon école, donc Artefix, qui gère la page itch.io. Ouais. Donc je sais pas comment ça marche sur itch.io, mais en tout cas, j'ai pas les statistiques de téléchargement. Donc j'ai pas les retombées exactes, mais en tout cas, je peux dire qu'en termes d'image de marque, ouais. Quand les gens vont chercher le jeu, ça va être d'autant mieux qu'en faisant une recherche, on tombe sur du contenu par rapport au jeu. Donc ça donne un certain prestige en fait à la création. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors justement, tu m'as fait tilter. Tu dis que la page itch.io est gérée par Artefix. Arashi, c'est ton projet de fin d'études. Si on t'a fait signer le même contrat que le mien, ça veut dire que Arashi appartient à Artefix, non? Oui, c'est ça. Et du coup, comment dire, si tu avais commercialisé Arashi, comment ça se serait passé? Tous les fonds seraient retournés à Artefix? Enfin, j'imagine que non, sinon tu ne te serais pas lancé là-dedans. Mais Simplement que Arashi, si tu veux, c'est le concept. C'est le proof of concept, c'est juste l'élément de jeu qui fait bon, bah, j'ai fait ça, ouais. Je veux faire le même jeu en mieux. Et le développement il part de là. C'est en fait, Arashi, tu prends par rapport au jeu que je veux faire. Dans le jeu que je veux faire, t'as un scénario qui est complet, t'as plusieurs personnages jouables, t'as un mode multijoueur, t'as les mécaniques de gameplay qui sont pas exactement les mêmes. Disons que je reprends juste l'essence du truc. Un rusher en 2D. Dans un univers futuriste japonisant avec ouais. Plein de néons dans tous les sens. C'est juste le, on va dire la germe de l'idée qui est là, et moi j'en fais un arbre quoi. Ça fait qu'il y aurait pas le même jeu, ça serait pas les mêmes assets. Donc en soi c'est enfin, l'école n'aurait aucun droit là-dessus concrètement. Et le proto sur lequel tu travailles actuellement, c'est bien le proto de l'école. Ça veut dire qu'une fois que tu aurais terminé ce proto-là, tu aurais redéveloppé un jeu sur la base de Arashi, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais, enfin, j'aurais pas redéveloppé sur la base. Ce qui se passe, c'est que j'aurais redéveloppé carrément un nouveau jeu, en fait. C'est juste que Arashi aurait servi de modèle, quoi, d'esquisse. D'accord. Merci, merci Guy. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de passer au bilan de Ben, Thomas et moi-même. La pause musicale, c'est toi qui l'as choisie. Thomas, est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Alors ouais, la pause musicale est tirée d'un album de Materia Collective, donc un collectif qui fait des reprises de soundtrack de jeux. Et là, ils ont voulu faire un hommage à Super Giant Games, donc les développeurs de Bastion, Transistor et Pyre, et du coup ils ont une cinquantaine de pistes où ils reprennent plus ou moins directement des musiques de leur soundtrack. Et là on va écouter du coup la reprise de In the Flame tirée de la bande son de Pyre. Bon, on s'écoute ça tout de suite. Just begun. J'ai tué ton père. Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs. Super sympa. Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite. Et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité. Et c'est un vendredi soir sur deux dès 21h sur Radio Kawa. C'est complètement nawak. Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père. Il est quelle heure? Et c'était In the Flame de Materia Collective. Ben, nous allons intéresser à ton année maintenant. Oui, ouais. Je pense que c'est toujours pas pire que la mienne. Ma première question, c'est quoi de neuf à propos du projet que tu nous avais teasé il y a quelques émissions de cela? Ah, on parle tout de suite du négatif. Voilà, c'est comme ça. Quoi de neuf sur le projet? On a décidé un peu à contre-cœur de l'arrêter, de le mettre au placard en tout cas. Parce qu'on n'arrivait pas à avoir une boucle intéressante, on n'arrivait pas à avoir quelque chose qui nous satisfaisait. C'est une décision plutôt collective. En plus d'avoir un problème de disponibilité dessus, sur le projet en tout cas, c'était vrai que c'était compliqué pour nous de gérer la partie prestation et la partie développement. En plus de nos différentes activités, et notamment ma push tart qui me prend quand même un temps assez conséquent. Du coup, c'est vrai qu'on a plutôt décidé de mettre le projet en pause, et surtout que le développeur avec qui on travaillait, du coup, qui était, je pense que c'est pas un secret, maintenant c'était Romain Claude de Splasher, a prototypé un jeu pendant la Global Game Jam de push tart, justement. qui leur a plu et qu'ils ont décidé de poursuivre avec ce prototype, donc l'équipe qu'ils étaient pendant la jam. Donc on a décidé, voilà, c'est fait un peu avant, et puis c'est la coïncidence qui a fait que juste après il y avait la Global Game Jam, et qu'ils ont décidé de continuer. Donc c'est vrai que ça arrive de mettre le projet au placard. Oui, malheureusement, c'est fréquent de mettre des projets à la poubelle parce que y a souvent des idées de gameplay peuvent se présenter comme étant intéressantes sur le papier, et puis on les prototype et on se rend compte que ça ne marche pas, ou en tout cas la façon dont on le fait, ça ne fonctionne pas. Ça arrive extrêmement souvent, malheureusement. Et fait partie du processus. Voilà, créatif. C'est exactement ça. De toute façon, c'est vrai que le projet sur lequel a rebondi Romain a l'air plutôt cool, au moins. Parce que le note n'était pas, c'est ça? C'est-à-dire qu'on l'a pas tellement vu, nous. Hein. Ouais, tu nous as juste parlé, mais on l'a pas vu. Mais après, le problème, surtout qu'on a eu, c'était que c'était créativement, toutes les idées qu'on avait, c'était des idées pour des jeux sur un budget auquel on pouvait pas répondre. Enfin, typiquement, on partait sur un développement d'un jeu AAA et on se voyait pas tous autant qu'on était du projet sortir un jeu dans 4 ans, 5 ans. Ouais. On avait envie d'avoir un jeu qui soit plutôt simple. Et là, à chaque fois, on partait pas. Pour l'anecdote, on avait aussi réfléchi à une idée. Et quelques jours, on réfléchit à l'idée, on se laisse quelques temps pour la maturer, et puis quelques jours après, on a vu l'annonce d'un jeu sur Twitter qui était pile cette idée-là. Du coup, c'est vrai que quand on se rend compte que ça peut arriver, les bonnes idées, il n'y a pas de monopole, mais c'est vrai que là, lancer un jeu alors que quelqu'un était déjà en train de faire exactement la même chose, c'était pas la bonne solution. Quoi. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel est le projet semblable que tu as vu sur Twitter? J'ai plus le nom, mais c'était, en gros, c'était un espèce de workbook du déménagement, où tu dois coopérer pour déménager les meubles. Et c'est vrai que nous, on était partis sur un jeu qui avait une composante physique assez importante. Du coup, c'était une des idées sur lesquelles on avait, en faisant une espèce de 7-3-1, c'était une des trois idées qu'on avait retenues comme une idée qui était potentiellement pertinente. 7-3-1, j'explique pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est vous prenez 7 idées, sur ces 7 idées, vous en gardez 3 que vous développez un peu plus pour en final n'en garder qu'une. Est-ce qu'on pourra voir le cadavre du bébé? Oui, il faudra voir. Il y a toujours les archives. Hein. On a toujours les builds. On l'a mis au congélo, le bébé, pour l'instant. Et peut-être que en 2170, il ressortira du placard et nous mangera tous. Ce que tu dis, ça me fait aussi penser. Enfin, ça me fait réagir à propos d'un écueil que font beaucoup d'étudiants, en tout cas. C'est de partir sur des projets trop ambitieux par rapport au budget et aux compétences et à l'effectif réel. C'est un peu idiot de partir sur un projet qu'on sera techniquement incapable de réaliser. Finalement en entier. Souvent les étudiants en jeux vidéo n'ont pas la conscience de tout ce que peut des réalités je fais un petit peu peut-être prétentieux en disant ça mais n'ont pas conscience de plein d'aspects du développement d'un jeu vidéo et partent sur des jeux qu'ils rêveraient de réaliser comme idée de projet de fin d'études, et ils terminent leur année avec un jeu vidéo un prototype qui parfois même n'a aucune gueule parce que ils ont passé toute leur année à développer des systèmes trop complexes pour eux qu'ils n'ont pas pu terminer. Il y a des projets de fin d'année qui n'ont jamais été playtestés au cours de l'année parce qu'il n'y avait jamais eu matière à playtester quoi que ce soit. Et faut toujours être conscient. Mais serais-tu en train de dire qu'on ne peut pas faire un MMORPG à l'âge de 14 ans? Par exemple, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il faut bien avoir conscience des moyens que l'on a et de ce que l'on est capable de réaliser avec et bien du coup scaler son projet. Autre question Ben, tu travailles à ta propre boîte Homecoming Studio. Est-ce que il y a des projets dont tu aurais envie de nous parler sur lesquels tu as travaillé cette année? Enfin, quand on a pris la décision d'arrêter ce jeu-là, c'est vrai qu'on était pas mal occupé avec différentes prestations. Moi, j'ai une des branches sur lesquelles je travaillais qui était un peu la côté e-sportif, avec le commentaire de compétition, etc. Notamment parce qu'on faisait du podcast avec Amalgame et c'est comme ça que ça nous est arrivé dessus. Mais c'est beaucoup développé, on a signé un gros contrat avec, je crois que j'en avais parlé dans une des émissions précédente, mais en tout cas on a signé un gros contrat avec la Team Vitality, donc l'une des plus grosses structures françaises d'e-sport, et où on commente du coup les parties PUBG, donc le célèbre Battle Royale qui a inspiré Fortnite. Oui, c'est le nouveau nom qu'on donne à PUBG maintenant. Et du coup on commente voilà tous les week-ends donc les parties de la ligue professionnelle de PUBG, la ligue européenne, du point de vue de la Team Vitality. Donc c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps, et cette activité là continue de se développer et j'ai de plus en plus de sollicitations sur le sujet. J'étais notamment à Metz le week-end dernier, oui à Metz, pour nous le Montpellierin ça fait loin, mais pour animer un stand sur un événement lié au sportif. Du coup ces activités là me prennent pas mal de mon temps. Je donne aussi des cours à côté, enfin c'est plus des formations que des cours, à des artistes qui veulent se former un petit peu la communication et apprendre à mieux communiquer sur internet, parce que souvent les artistes ils sont pas très bons pour ça, et du coup je les aide et je les accompagne sur plusieurs heures de formation. C'est assez intéressant, ça fait rencontrer des gens qui sont des profils hyper créatifs mais qui sont pas forcément dans le jeu vidéo, donc ça donne, chaque fois on regarde un peu leurs travaux, on regarde ce qu'ils font, c'est super intéressant de se confronter un peu à ces autres industries. Et puis en parallèle on a toujours Homecoming où on est reparti avec mon associé à réfléchir à des petites idées de jeux, on prototype quelques trucs, on part surtout pour l'instant à essayer de se faire un petit carnet de jeux qu'on souhaiterait développer, quelques idées, des idées de DA, des idées de jeux, et puis on verra après pour affiner ça et présenter quelques prototypes ou quelques idées à des éditeurs pour aller chercher ensuite des fonds. Oui, on en discutait ce matin justement à la présentation que l'on a fait toi et moi Ben à Context Art, mais effectivement même si du coup tu as cofondé c'est ça, hein, tu as cofondé Homecoming Studio. Mmh, on est deux à la base. Ouais. Ouais. Donc c'est votre studio indépendant, vous en faites ce que le studio est, et pourtant vous faites beaucoup de prestations, et bien que vous ayez des envies de développer vos propres projets, ben, la réalité des choses font que aujourd'hui de tout temps, même quand on a un studio indépendant, on se retrouve parfois obligé de faire de la prestation pour pouvoir financer ses propres projets, et c'est pas parce qu'on est développeur indépendant qu'on fait forcément que sur nos projets de cœur, quoi. Bah oui, c'est clairement en fait ce qu'on l'expression qu'on utilise, c'est on s'achète du temps pour pouvoir développer nos propres projets. Donc avec la prestation on travaille sur des choses qui ne sont pas forcément hyper intéressantes, encore que ça dépend, après il y a des projets en prestation qui sont hyper intéressants. Mais voilà, on peut pas. Des fois, on accepte des missions, on sait à contre-cœur que c'est pas quelque chose qui va être spécifiquement hyper intéressant, mais ça nous permet de faire rentrer de l'argent dans la société et de pouvoir nous permettre d'acheter du temps pour développer ensuite nos projets. Ouais. aussi, tu nous avais parlé dans une précédente émission des streams du dimanche. Alors comme aujourd'hui tu es très pris à caster pour la Team Vitality, qu'est-ce que c'est devenu? J'imagine que tu n'as plus trop le temps. Ou alors ça a été lancé, qu'est-ce que c'est devenu? Le projet est toujours un petit peu en cours, mais c'est vrai que là, jusqu'à début juillet, je suis occupé à streamer tous les week-ends pour Vitality. Donc c'est vrai que pour le coup, ça a mis un peu en stand-by les streams du dimanche. Ce qui n'empêche pas d'avoir toujours des streams qui sont effectivement en live le dimanche, mais c'est des streams ultra spécifiques, donc on est trois à travailler notamment avec ça, et donc mes deux acolytes, eux streament régulièrement, et moi j'avais pour ambition de streamer en complément de leur chaîne, mais pour l'instant je peux pas assurer, peut-être que ça reprendra pendant l'été et peut-être 6 septembre. À voir selon comment mon planning se remplit. D'accord. Et alors le dernier point qui occupe pourtant pas mal de ton temps, dont on n'a pas encore parlé, c'est que, on le rappelle, tu es président de l'association Push Start. De laquelle au passage Marie et moi sommes également membres au conseil d'administration. Et du coup, cette année, on a tous travaillé sur pas mal de projets pour cette association. Notamment, tu as porté un projet de fonds d'aide régionale aux jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, de ce qu'il implique, de ce qu'il pourrait apporter aux développeurs du coin? Ah oui, ça a été un peu mon fil rouge pendant ma présidence de Push. C'est vrai que quand je suis arrivé et que je voyais certains de nos adhérents prendre des prestations ou travailler avec des gens qui avaient des fonds supplémentaires pour pouvoir prendre ces prestations ou pouvoir aller chercher des fonds, je sais pas, par exemple en région nord, je sais plus le nom, c'est Hauts-de-France, voilà, en Hauts-de-France, chercher, je me suis dit que c'était quand même vraiment problématique que nous, alors qu'on avait quand même un terreau, un territoire de développeurs ici super riche, de n'avoir rien, d'avoir zéro aide de nos collectivités locales. Donc c'est vrai que j'ai un peu repris ce projet-là à bras-le-corps. C'est vrai que le précédent président avait commencé à faire des choses et il y avait des discussions en cours, mais c'était vraiment il y avait peu de choses. Et du coup, je suis allé un peu taper dans la fourmilière et j'ai un peu secoué la région en leur disant que ça serait bien qu'ils se réveillent sur ces choses-là. Donc mais finalement c'est plus un travail collectif, hein. On a été nombreux à avancer sur le dossier, ça a été un projet qui est de longue haleine et on a été beaucoup à travailler dessus, mais c'est vrai que le projet a été tellement long et que c'est un peu moi qui me suis retrouvé à le chapeauter mais du coup c'était super intéressant et c'est toujours super intéressant puisqu'on réfléchit à la création d'un fonds d'aide pour les productions qui seraient développées en région Occitanie et qui pourraient notamment aider à ce que les productions soient plus pérennes ou en tout cas de pouvoir embaucher des studios pour avoir des meilleures qualités de jeu. Le but c'est de pouvoir avoir des choses qui sont en complément des aides actuelles du CNC, donc les FHJV, les crédits d'impôt, etc. Et d'avoir une aide qui puisse aussi arriver à un stade où on n'est pas forcément en train de produire le contenu du jeu, mais plus à la réflexion, d'avoir aussi une aide à l'écriture, comme d'ailleurs le CNC vient tout juste d'annoncer il y a quelques jours. Donc on réfléchit à ces données-là, on réfléchit à quels sont les montants que pourrait donner la région, on réfléchit à tous ces aspects-là de financement du jeu en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. J'avais jamais vraiment trop mis le nez dedans, même si toujours dans le marketing, dans la communication, on a toujours un peu un œil sur le budget des dépenses, etc. Mais ça restait anecdotique. Et là, d'avoir vraiment les mains dans le cambouis pour dire non, mais les productions elles coûtent tant, etc. Et on peut, tous les mécanismes de financement, savoir pourquoi c'est mieux une subvention qu'une avance remboursable, ce genre de choses, c'est des termes que moi je appréhendais un peu de loin avant et qui maintenant sont beaucoup plus familiers. Mais j'ose espérer que ce projet-là pourra, pourra aider les développeurs du coin à avoir des jeux qui soient rentables et pour éviter, par exemple, ce qui est arrivé à certains studios comme les tristement Sunsung Submarine qui n'a pas pu continuer à développer des jeux faute de fonds. Et peut-être que s'ils avaient pu avoir une aide régionale à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient pu continuer un peu plus et aller faire des prototypes, gagner du temps et faire des prototypes bien plus avancés pour aller peut-être aller chercher des éditeurs ou des marchés. Je dis pas forcément que c'est le cas là pour les Swing, mais ça aurait pu changer des choses. Donc j'imagine que ça permettra à ce que les développeurs locaux en région Occitanie soient plus forts et que ça bénéficiera à tout le monde. Swing Sun Submarine, petite précision, qui avait donc sorti comme dernier jeu Seasons After Fall. Est-ce que ce fonds d'aide régional existe dans d'autres régions? Alors oui, pour l'instant, il y a quelques régions qui ont mis en place, en tout cas des dispositifs relativement similaires. Nous, le but, c'est en région Occitanie, c'est de proposer un peu notre variante et de pas reprendre exactement ce qui est fait ailleurs. Mais il y a notamment la région Hauts-de-France, ce que je disais, avec le Pictanovo, qui permet de financer notamment du cinéma, mais aussi des aides aux jeux vidéo. Et on a à Bordeaux, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a aussi un dispositif d'aide attribué par la région sur certains critères. C'est assez proche du CNC aussi d'ailleurs, hein, parce que, j'avoue qu'ils sont pas trop cassés la tête, mais du coup c'est bien pour les studios parce qu'ils ont pas 36 000 dossiers trop compliqués à faire, mais... Pour le coup, c'est assez intéressant aussi. Il y a Île-de-France qui a annoncé aussi une aide avec un fonds de 2 millions, mais pour l'instant, le fonds est un peu... C'est de l'avance remboursable et du coup, il y a peu de studios qui s'y risquent parce que ça veut dire qu'une fois que on a touché l'argent, et une fois qu'on a pu développer le jeu et le sortir, il faut rembourser l'argent. Et donc ça peut être parfois problématique si le jeu ne fonctionne pas, surtout vu les délais des fois qui sont demandés. Je sais qu'à Lyon aussi, ça travaille sur un projet similaire, qui devrait être annoncé ou qui va être annoncé prochainement. Ouais, le travail que tu fais, que plusieurs personnes font, est important, puisque aujourd'hui, il faut encore... prouver aux politiques que le jeu vidéo a besoin d'attention particulière aux médias jeux vidéo et à son industrie. Aujourd'hui, le CNC qui aide au financement de pas mal de projets et c'est pourtant le fonds d'aide c'est le CNC pour Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, donc qui en principe, ne se destine pas à aider le jeu vidéo. C'est quand même, tu le disais ce matin d'ailleurs, à Context Art, que c'est quand on paye un ticket de cinéma que l'on finance aussi en partie des productions de jeux vidéo, ce qui est un petit peu curieux. Donc, il y a encore tout un travail à faire pour créer des aides spécifiques aux jeux vidéo qui correspondent aux productions de jeux vidéo et qui puissent se financer, je sais pas, peut-être pas en prenant de l'argent au cinéma, mais en prenant de l'argent au jeu, enfin que le jeu vidéo se nourrisse lui-même. Merci Ben. Avec plaisir. Et passons maintenant à Thomas. Thomas, on va. Du coup, j'ai pas mal de questions pour toi également. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Voilà, première question, je vais te laisser t'exprimer librement là-dessus. J'ai initié plutôt dans l'émission que tu étais salarié dans une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Effectivement, depuis le mois de septembre, je suis dev tester 3C à Ubisoft Ivory Tower à Lyon sur The Crew 2. Donc dev tester, c'est tester QA, mais directement avec les développeurs et au jour le jour sur les différentes versions. Donc les 3C, character control caméra, c'est en fait tout ce qu'on peut parfois appeler la jouabilité, c'est comment on va contrôler le personnage, ici du coup plutôt un véhicule, comment on va contrôler la caméra qui va avec. Et donc sur The Crew, comme il s'agit de bagnoles, et ben ça va surtout concerner la physique des véhicules. Et par extension, je vais aussi toucher au FX, que ce soit la Nitro, ou maintenant on a aussi des skins particuliers, on produit des différentes fumées, différents pneus pour accompagner la course. Et c'est tout. En gros. Ouais, d'accord. Alors, par contre, tu nous as dit c'est un petit peu comme QA tester, mais avec l'équipe. Donc, tu veux dire que tu fais remonter finalement tout ce qui ne fonctionne pas dans les trois, c'est quoi ? Si on résume simplement, c'est ça. En gros, ouais, principalement sur les 3C, tout ce qui va sortir de l'équipe 3C, que ce soit les game designers ou les programmeurs, je vais donc le tester. Donc, les trucs principaux, ça va être des nouveaux véhicules, ouais, ou éventuellement des retouches globales sur les 3C d'un type de véhicule, où là, du coup, je dois faire comparaison avant-après, et dans tous les cas aussi faire des tests sur le balancing, donc l'équilibrage. Ouais. Je prends des circuits, je prends les temps et je compare pour voir si tout est bien équilibré. D'accord. Tu travailles sur The Crew 2. C'est un jeu de course qui est un genre de jeu plutôt niche, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que c'est un genre qui te parlait à la base ? Est-ce que tu es joueur de jeu de course toi-même initialement, ou est-ce que tu t'y es mis en travaillant sur le projet ? Ouais, effectivement, j'étais quand même joueur de jeu de course, plutôt jeu de course arcade, avec surtout Burnout et Motorstorm. Mmh. Et ça m'a servi d'ailleurs pendant l'entretien, parce qu'à un moment on me demandait à quoi est-ce que je jouais habituellement en jeu de course, et le fait que parle de ma passion pour Burnout Paradise, ça a permis de faire pencher la balance sur moi au final, puisqu'ils se sont dit que si j'aimais conduire longuement dans ces jeux-là, j'allais pas être gêné par tester tous les véhicules qui sortaient en boucle. Tu m'étonnes. Tu travailles également sur un autre jeu. Alors, on a parlé de Astre précédemment. Aujourd'hui, je crois que tu ne travailles plus sur Astre, mais tu travailles sur un nouveau projet qui s'appelle Kazanixa. C'est le projet que tu développes en tant qu'indépendant de ton côté, en parallèle de ton travail. Tu peux nous en parler aussi. Donc là, déjà, pour parler rapidement, ouais. Astre, ça vient d'un univers, on va dire, que j'ai créé pendant mes études. Donc ce qu'il y a de bien en créant une petite base d'univers comme ça, c'est qu'on peut se baser sur cette base d'univers pour faire à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit des jeux, des films et autres, et même en termes de jeux, en partant du même univers, on peut faire des jeux assez différents, et c'est ce qui se passe avec Kazanixa, puisque du coup Astre, c'est un jeu d'action, aventure, troisième personne, full 3D, et ce Kazanixa, je suis parti sur un truc beaucoup plus petit. On part sur un jeu narratif 2D, donc qui se passe dans l'univers d'Ilios. Donc on est dans une ville qui s'appelle Ilios, qui est en fait une petite ville sur un bout de planète qui se balade dans l'espace. Et dans cette petite ville, on va jouer l'unique barman de la ville, Nyx, dans son bar, le Kazanixa, et on va en fait, en utilisant son pouvoir à lui, qui est de faire des cocktails, on va essayer du coup de parler aux différents clients, éventuellement de monter une révolution, de faire monter un petit projet en sous-marin avec eux. Comment est-ce que tu travailles sur ton projet ? C'est-à-dire, comment est-ce que tu gères le temps que tu passes sur Kazanixa ? Pas très très bien, mais on va dire que dès que j'ai pas mal de temps, déjà ça se passe uniquement le week-end, j'arrive pas à travailler le soir en rentrant, mais le week-end, surtout le dimanche, quand j'ai pas d'autres choses en vue, que je suis pas pris par un jeu comme Sekiro ou d'autres choses comme ça, je me mets peut-être 3-4 heures, on va dire, peut-être de début d'après-midi jusqu'à début de soirée, à travailler sur le projet. L'avantage de Kazanixa, qui est un projet un peu plus petit, c'est que même en faisant pas beaucoup d'heures, j'arrive assez vite à avancer. Il m'arrivait un petit peu parfois, vu que c'est un jeu narratif, d'écrire soit des situations, soit des dialogues au pif sur mon portable quand ça m'arrive, pour ensuite avoir cette base-là et aller plus vite dans l'intégration Unity. Tant que j'y pense, Astre, du coup, actuellement, s'est mis de côté. Pourquoi est-ce que tu as choisi de stopper Astre pour partir sur Kazanixa ? Alors, Astre, oui, ça a été un petit peu les problèmes, comme on avait parlé un peu bien. C'est un projet, enfin, moi, en tout cas, c'est peut-être un projet même encore plus gros, et surtout, c'est l'équipe qui se barre au fur et à mesure. Et à force d'avoir l'équipe qui se barre, plus le fait que... Plus le fait que j'étais sur mon chômage et que lui aussi se barre à force. et ben du coup, sur la fin de mon chômage et pendant que je cherchais du boulot, j'ai laissé un petit peu tomber Astre. Je l'avais uniquement repris pour la vidéo Itri de Push Start. Et ensuite, je l'avais laissé de côté. J'avais commencé du coup à reprendre Kazanixa. En fait, c'était un vieux pitch que j'avais fait au moment de la création d'univers et qui était resté à l'état du pitch, donc juste une page qui décrit le concept du jeu. Et je me suis dit, à force de galérer à avancer sur ce projet, sur Astre justement, je me suis dit qu'un truc comme Kazanixa, je pouvais l'avancer pratiquement, en tout cas beaucoup, seul. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me relancer sur ce projet-là. Ouais, t'as aussi du coup choisi de travailler sur un projet sur lequel tu pouvais avancer avec tes propres moyens de façon un peu plus évidente que sur Astre. Question dont la réponse me paraît évidente, mais j'aimerais quand même te la poser, comme à Guillain d'ailleurs. Passer autant d'années sur un même projet comme vous avez pu le faire sur Astre et Arashi, c'est décourageant, j'imagine. À un moment donné, on aimerait peut-être bien que le jeu sorte, soit terminé, et passer à autre chose. Et c'est pour ça. Est-ce que vous ressentez ça, hein? Vous avez ressenti ça pour Astre et Arashi? Eh ben ouais, pas sur As justement, c'est aussi ça qui a peut-être mis du temps, c'est que j'étais tellement accroché à ce projet qu'il n'y avait aucun autre projet qui m'intéressait. Mmh. Et du coup, malgré les difficultés, malgré le côté un peu trop ambitieux qui était aussi un peu voulu pour avoir un projet qui envoie un peu dans le portfolio, eh ben à force, ça a mis du temps parce que ouais, j'étais très attaché au projet, et c'est vrai que ça fait mal, mais en même temps... Le moment où j'ai lâché, j'en pouvais même pas mal plus du projet, du fait que ça avançait tellement peu, donc ça m'a aidé, je pense, aussi à le lâcher, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup plus de temps que ce que ça aurait dû. Après, moi, je suis pas dans le même cas que Thomas. Thomas, il était déjà dans la prod, alors que moi, j'ai surtout une très longue pré-prod, tu vois. Parce que concrètement, Arashi, il a été fini, donc le projet étudiant est fini, il est joué tel quel. Ouais. Après, moi, c'était une très longue pré-prod pour refaire un projet derrière. Mais en soi, j'ai pas... Enfin, comme j'étais pas dans le même cas que Thomas, où j'avais pas une équipe avec moi qui bossait, enfin, j'ai eu un associé en même temps pour tester 2-3 prototypages. Mais concrètement, j'ai jamais vraiment été dans la prod, donc c'est pas vraiment le même cas. Je vois. Thomas... Donc, du coup, aujourd'hui, tu travailles chez Ivory Tower. Est-ce que tu te vois continuer encore à travailler un certain nombre d'années? Est-ce que ça te plaît de travailler en entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois continuer à faire, voilà, bah, comme je viens de le dire, pendant encore quelques années? Ou est-ce que dès que tu pourras le faire, tu retourneras à plein temps sur le développement de Kazanixa ou d'un autre projet personnel? Non, pour l'instant, je suis plutôt en l'optique de rester le plus longtemps possible à Ivory Tower. Mm-hmm. Déjà, il y a plusieurs objectifs. Déjà, en tant que testeur là-bas, je suis uniquement prestataire. Donc, je travaille pas directement l'employé d'Ubisoft. Et en plus, je suis testeur, donc il y aurait deux objectifs. C'est d'une, essayer de passer sur un contrat Ubisoft en changeant de poste ou en ayant une autre offre. Et aussi, essayer de passer designer. Ouais. Et non, je suis pas forcément après l'expérience de Astre, je suis pas forcément hyper pressé de repartir avec mon chômage de un an et quelques ou de même pas un an pour essayer de faire un projet. Donc c'est pour ça que Kazanixa, je le prends tranquillement, j'avance petit à petit et j'essaye plutôt de bien bosser à Ivory pour essayer d'y rester le plus longtemps possible, parce que malgré le fait que ce soit une grosse boîte, on n'est finalement pas tant que ça, ou en tout cas, pas. Je parle pas directement à tant de gens que ça, donc je me sens pas trop submergé par le groupe, et globalement, on a une très bonne ambiance. Donc je suis plutôt content d'aller travailler là-bas, donc je vais essayer d'y rester, et en plus c'est une bonne garantie aussi pour rester sur Lyon, où je suis plutôt bien pour l'instant. Donc on va plutôt jouer la sécurité, essayer de rester le plus longtemps possible à Ivory. Si Ivory marche pas, essayer de trouver un autre truc comme Arcane ou Wall Skull ou je ne sais quoi. D'accord. Et en fonction éventuellement peut-être repartir après dessus. Dans l'idéal, si je repartais sur Kazenixa, j'aimerais repartir dessus au moment où il est pas fini, mais bien avancé, pour m'occuper plus de la partie sortie même du jeu que de finir réellement le développement pur. D'accord. Et dernière question, je pense. Tu as fait une formation de game designer. Tu nous dis que tu aimerais bien travailler chez Ubisoft à un poste de designer. C'est toujours le poste de game designer spécifiquement que tu recherches ? En tout cas, de designer au sens large, en tout cas, que ce soit du game design, que ce soit du level design, que ce soit par exemple du game design 3C ou du game design plus de mode de jeu ou d'autres fonctionnalités, mais vraiment plus aller sur le design, parce que jusque-là, game design, je l'ai fait en études, je l'ai fait sur mes projets, mais dans le professionnel, j'ai été pris vaguement en tant que programmeur et surtout en tant que testeur jusqu'ici. D'accord. Bah, c'est le cas pour beaucoup de gens. On en parlait encore avec Ben ce matin. mais effectivement, il y a donc la plupart des écoles forment au métier de game designer. Les formations jeux vidéo que vous retrouvez forment la plupart du temps soit au métier de game designer, soit au métier de programmeur, soit au métier d'artiste. Et autant on arrive, on arrive plus facilement à trouver du travail à la sortie de l'école en tant que programmeur ou en tant qu'artiste qu'en tant que game designer, puisque c'est un métier à responsabilité. C'est du travail du game designer que découle le travail des autres corps de métier. Donc du coup, c'est un métier à responsabilité, c'est pour ça qu'il est assez difficile de commencer en tant que game designer dans une entreprise à la sortie de l'école, et beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui game designer ont eu des premières expériences en tant que QA tester, tester 3C du coup, maintenant je connais ce métier là aussi. Donc c'est un cursus finalement assez courant, assez répandu, assez normal. Bien, je n'ai plus de questions, ce qui nous amène donc à mon tour de faire le bilan de ces derniers mois. En septembre, je suis rentré en troisième et dernière année d'un bachelor en game design, et j'en suis sorti en octobre parce que ça se passait très mal avec la direction de l'école. En fait, depuis la première année, je prenais sur moi de ne pas recevoir la totalité des cours que j'étais supposé recevoir, pour lesquels je payais. Et mes formateurs étaient loin d'être toujours compétents. De façon objective, j'ai par exemple eu un professeur de game design qui n'a jamais été game designer professionnellement, et ça se ressentait vraiment dans ses cours, malheureusement. Donc j'ai fini par ouvrir ma bouche, et c'est pas très bien passé du tout. Au passage, c'est pour ça qu'on déplore qu'il n'y ait pas plus de formation publique de jeux vidéo, parce que non seulement on n'est pas forcément moins bien formé dans le public, comme en témoigne Marie, mais aussi, dans le pire des cas, ça ne vous aura pas coûté très cher, au moins. Bon, après, moi, de toute façon, j'avais pas vraiment le choix. N'ayant pas le bac, je pouvais aller que dans une école privée. Mais du coup, j'ai atterri dans la mauvaise école, quoi. Un conseil, justement, pour d'éventuels auditeurs qui envisageraient de faire des études de jeux vidéo. Renseignez-vous un maximum sur les écoles que vous visez. Déjà, visez-en plusieurs, ne foncez pas dans la première qui vous tend les bras. Et faites des recherches. Lisez les avis Google, contactez des assos comme Pushstart, faites un tour sur société.com au cas où l'école soit en redressement judiciaire. J'en connais beaucoup qui regrettent aujourd'hui de ne pas avoir été plus vigilants. Et si vous avez la possibilité de faire des études dans le public, envisagez-le sérieusement aussi, parce que c'est pas parce que ça ne coûte pas des milliers d'euros que c'est forcément moins bien. Et je me rapproche du micro. Pour terminer là-dessus, l'année prochaine, en principe, je vais préparer et passer le DAU, le diplôme d'accès aux études universitaires, pour aller à l'université, et peut-être suivre le même parcours que Marie. ce qui devrait me laisser pas mal de temps libre, notamment pour du temps libre que je pourrais consacrer à des projets perso, comme ma chaîne YouTube, qui, à ma grande désolation, n'a pas reçu de vidéos depuis ses premières sorties en septembre, au moment du lancement de la chaîne. Ce qui va changer, puisqu'en réalité, au moment où ce podcast sera publié, j'aurai déjà sorti ma nouvelle série de vidéos sur le networking, que je vous promets depuis des lustres. Même si j'étais pas à l'école cette année, finalement, il me restait toujours Dev & Retry à préparer, réaliser, monter et publier, ce qui, mine de rien, prenait un certain temps, enfin, prend encore pour celle-ci un certain temps. Et puis, en tant que membre du site Pushstart, j'ai dû effectuer pas mal de missions pour l'association, comme des présentations à Contextart ce matin avec Ben, ou des conférences à organiser. Comme celle à laquelle a participé notre cher Yann de Kawa en avril dernier, une table ronde qu'il me reste maintenant encore, puisqu'elle a été enregistrée, qu'il me reste donc encore à monter, pour que vous puissiez tous la voir quand elle sera sortie sur la chaîne YouTube de Pushstart. On fait beaucoup trop de pub pour Pushstart dans cette émission, c'est un peu scandaleux. Bref, du coup j'étais pas mal occupé cette année, mais c'est pas une émission sur ma vie de youtubeur, donc on va s'arrêter là. Juste comme j'en étais à évoquer mon implication dans cette association que l'on a déjà beaucoup trop citée, vous investir dans une asso, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Déjà, quel que soit l'asso, parce que ça plaît aux recruteurs de lire ça dans un CV. Ils se disent que si vous êtes capable de travailler bénévolement, vous le ferez d'autant mieux en étant payé. Et aussi, si c'est une asso dans le domaine du jeu vidéo, c'est un bon moyen pour rencontrer des gens, rencontrer des pros, et vous aider à vous faire votre place dans l'industrie du jeu vidéo. Peut-être un dernier tour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur son année? Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur tout ce qui a été dit au cours de cette émission? Pas particulièrement. On a bien fait le tour chacun, je pense. D'accord. C'est très bien, ça veut dire que voilà, j'ai bien fait mon rôle d'animateur. C'est en tout cas ce que je vais décider de croire. Je vous remercie à tous d'avoir été, particulièrement à Benjamin, Marie et Guillain, d'avoir été avec moi au cours de toute cette saison de Dev & Retry et de la saison précédente au passage. Merci à Thomas d'avoir été notre invité pour cette émission, d'avoir été à nouveau notre invité. Sur ce, je vous dis que tous les liens utiles sont dans la description du podcast sur la page de Radio Kawa. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver l'intégralité de cette émission en écoute et téléchargement, mais aussi sur iTunes, Spotify ou quelle que soit votre application de podcast préférée. Il est possible de nous contacter via Facebook et Twitter ou dans les commentaires de la page Dev & Retry sur RadioKawa.com. Et sur le même site, vous pouvez aussi trouver un lien vers le Patreon de Radio Kawa auquel nous vous invitons à souscrire pour soutenir la création de podcasts indépendants. Merci de nous avoir écoutés et prenez soin de vous. Je vous souhaite bonnes vacances. Bye bye. Au revoir. Bye. Salut. Bye. Bye. Oh, cassez-vous. Cassez-vous. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.